Chapitre 37e. Juliette. Pendant que la voiture courait vers Passy, Adolphe se répétait machinalement ce nom. Juliette, sa femme, un amant, Errol. Et tous ces mots tournoyaient dans sa cervelle affolée, sans qu'il fût possible de lier deux idées. C'était le bruit seul des paroles de sa mère qui lui revenait. Sa tête, comme un écho, les lui répétait, mais son esprit ne les comprenait pas. En débouchant rue de Rivoli, il fut arrêté par des troupes qui défilaient et ramené ainsi à la réalité des choses matérielles. Il lui sembla qu'il y avait plusieurs heures qu'il avait quitté la rue des Vieilles Haudriettes. Il fit effort pour ressaisir sa volonté et sa raison, et tâchant de se rappeler tout ce que sa mère venait de lui dire, il voulut l'examiner. Il ne douta pas un moment de la vérité de ce récit. Sa mère croyait assurément tout ce qu'elle avait dit. L'amour de Juliette pour Errol et les rendez-vous à Passy, dans l'atelier du sculpteur. Mais quelle preuve avait-elle de cet amour? Elle ne lui en avait donné aucune. Ils s'aimaient, parce qu'ils se rencontraient dans cet atelier. Que les indifférents et que les malveillants tirassent de ce rendez-vous une pareille conclusion, cela était possible. Il ne connaissait pas Juliette, mais lui. Il lui sembla que le poids qu'il écrasait se soulevait, il respira. Non, mille fois non, Juliette n'était pas coupable. Dans son cœur, 5 années de tendresse plaidaient pour elle, et contre une accusation aussi vague, les souvenirs de 5 années ne pouvaient pas ainsi s'effacer en un instant. Il parlait, au contraire, il protestait. Le coupable, c'était celui qui avait pu écouter cette accusation sans se révolter. Pourquoi Juliette n'aurait-elle pas rencontré Errol chez Rolls? Il s'agissait de quelques tableaux, sans doute. Et comme elle ne pouvait pas maintenant voir ouvertement Errol, elle n'avait pas osé parler de ses visites à l'atelier du sculpteur. C'était bien simple, il n'y avait que la malignité qui, dans tout cela, avait pu chercher un amant et une faute. Un amant, Juliette. Que d'autres puissent faire une pareille supposition? Il n'avait pas à s'inquiéter de ses sots propos, il savait à quoi s'en tenir. Tout le mal venait de cette déplorable inimitié qui régnait entre sa femme et sa mère. Celle-ci, trouvant dans la conduite de Juliette quelque chose d'obscur, et écoutant en même temps les calomnies, s'était laissé entraîner par sa haine. Il ouvrit la glace du coupé pour dire à son cocher de retourner rue des Vieilles Haudriettes. Il n'irait pas à Passy. Ce serait un crime envers Juliette, qu'il ne se pardonnerait jamais. Qu'avait-elle fait depuis 5 années qu'elle était sa femme pour mériter une si grossière offense? Grande fut la surprise de sa mère en le voyant rentrer. Incapable de travailler, elle s'était enfermée dans son bureau, et elle allait de ci de là, à grands pas, en suivant l'heure sur la pendule. Quand elle entendit dans la cour le bruit bien connu de la voiture de son fils, elle regarda par la fenêtre. C'était bien lui, elle ne rêvait pas, il descendait du coupé. Il entra dans le bureau. Elle courut à lui. « Eh bien, que se passe-t-il donc? Te voilà !» Il détourna la tête, évitant de rencontrer les yeux qu'elle attachait sur lui. « Je ne vais pas à Passy. Cette accusation est absurde. Ce serait une infamie envers ma femme. » Il appuya sur ce mot, de l'écouter. « Je ne suis déjà que trop coupable de lui avoir prêté l'oreille. Mais, malheureux enfant, il y a des choses qu'un honnête homme n'admet pas. Et il y en a aussi qu'il ne fait pas. Je ne vais pas à Passy. »« Perds-tu la tête ? » s'écria Madame d'Alifard. « Je l'ai perdue il y a quelques instants, mais Dieu merci, je l'ai retrouvée. Oh, cette femme ! Cette femme est la mienne. Je l'aime. J'ai foi en elle. Je ne veux pas qu'on l'accuse. Je ne le veux pas. » Le ton des paroles avait rapidement monté. Il était chez tous deux arrivé jusqu'à la colère. « Tu me parles ainsi ? » s'écria Madame d'Alifard. « Toi ? » ?»« Je te réponds. Eh bien, puisque l'un et l'autre, nous nous trouvons partis dans cette affaire, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Je ne peux pas t'abandonner à ton aveuglement, car la question se trouve maintenant posée entre ta femme et moi. Elle ou moi devons sortir de cette maison. Si c'est faire injure à ta femme de la soupçonner, c'est me faire injure à moi de m'accuser d'avoir voulu te tromper. Je n'ai jamais cru que tu voulais me tromper. J'ai cru et je crois que tu as été entraîné par ton hostilité contre Juliette. J'ai été entraîné par l'évidence qui me crevait les yeux, comme elle les crevait à tous ceux qui nous entouraient, à M. Descloiseaux, à Mme de Labranche. Averti de tous les côtés, j'ai dû reconnaître la vérité. Alors j'ai voulu des preuves, car je savais bien que tu ne croirais pas ce que tu verrais. Aujourd'hui, j'ai ces preuves. Je te les mets sous les yeux. Refuseras-tu de les regarder ? Ce ne sont pas pour moi des preuves, ce sont des inductions. En supposant que Juliette soit en ce moment à Passy et qu'elle s'y rencontre avec Errol, rien n'est plus facile à expliquer. Vois d'abord, tu expliqueras ensuite, va voir, et quand tu auras vu, tu n'auras plus besoin de chercher des explications. Tu n'auras qu'une chose à faire, demander ta séparation de corps qui se prononcera sans bruit. Voilà donc ce que tu veux, et c'est pour cela que tu accuses Juliette. Oui, c'est là ce que je veux pour ton bonheur et pour celui de ton fils. Tu souffriras. Mais ne souffrirais-tu pas davantage en vivant auprès d'une femme qui te trompe ? Si tes yeux étaient fermés par ta tendresse et ton amour, mon devoir n'était-il pas de te les ouvrir ? M'était-il possible de supporter ton déshonneur, connu de tout le monde ? J'ai cru que je devais t'avertir, je l'ai fait. Maintenant tu ne veux pas me croire. À ta mère, qui affirme une chose dont elle a la preuve, tu préfères ta femme, qui ne se défend même pas ? Eh bien, tu n'as pas le droit d'agir ainsi. Tu dois voir, tu le dois pour toi-même, pour ton fils, pour moi. Si mon accusation est fausse, tu diras à ta femme comment tu as été forcé par moi de vérifier cette accusation que je portais contre elle, et alors je sortirai de cette maison. Si au contraire elle est vraie, ce sera à ta femme d'en sortir. La lutte est entre nous deux. Tu n'as pas le droit de prendre parti pour elle ou pour moi. Tu dois voir. Tu n'as que trop tardé. Le temps a marché, et déjà peut-être est-il bien tard. Pars donc et ouvre les yeux. Juliette te trompe, je te le jure. Cela fut dit avec une véhémence extraordinaire qui troubla profondément Adolphe. Assurément, c'était la sincérité qui parlait par la bouche de sa mère. Il ne pouvait pas croire Juliette coupable, mais d'un autre côté, il ne pouvait pas non plus ne pas croire sa mère. Il remonta en voiture dans une terrible perplexité. Sa situation était affreuse et jamais il n'avait éprouvé pareille angoisse. Sa mère d'un côté, sa femme de l'autre, et le résultat de cette lutte serait une séparation avec celle-ci ou avec celle-là, sa vie brisée, son bonheur anéanti. Le cocher avait reçu l'ordre de marcher aussi vite que possible, mais la pluie qui tombait fine et glaciale rendait le pavé glissant. Dans certains passages, le cocher devait retenir son cheval et ralentir son allure. Adolphe, qui tout d'abord, sous le coup des premières paroles de sa mère, avait étouffé, était glacé maintenant. Il grelottait et ses dents claquaient. Il ferma les glaces et s'enveloppa dans son pardessus. Puisqu'il devait parler à un concierge, il ne voulait pas se montrer tremblant. On a de ses préoccupations matérielles dans les circonstances les plus graves. Honteux du rôle qu'on lui faisait jouer, il avait souci de ne pas appeler l'attention sur lui. Quand il descendit de voiture sur la pelouse du Ranelagh, il lui sembla que ceux qu'il allait rencontrer lirait sur son visage le trouble de son âme. Cet homme, qui marchait fiévreusement, c'était un mari jaloux, qui allait se cacher pour espionner sa femme. Il remonta le collet de son pardessus et enfonça son chapeau sur ses yeux. Il trouva le gardien dans son pavillon, occupé, comme à l'ordinaire, à lire le journal. Il hésita un moment avant d'entrer, et si ce personnage majestueux n'avait pas levé la tête avec un sourire encourageant, il serait peut-être reparti sans oser parler. Ce sourire l'enhardi, il entra. « Une dame vous a parlé de moi, » dit-il, les yeux baissés et la voix embarrassée. « Une dame ? Peut-être bien. Je ne peux pas me rappeler. Si monsieur veut bien me dire son nom ?» Adolphe recula de trois pas. Son nom à cet homme ? Qu'avait donc dit sa mère ? « Le nom de monsieur n'est pas indispensable, » continua le gardien. Ce que j'en disais, c'était pour qu'il n'y ait pas erreur. Mais si monsieur veut me rappeler la chose en question, je pourrais sans doute le satisfaire. » Sans répondre, Adolphe tira le billet de 1000 francs que sa mère lui avait donné et il le jeta sur le journal. « Ah, très bien. Si monsieur m'avait montré tout de suite ce signe de reconnaissance, j'aurais vu à qui j'avais affaire. Mais dans le doute, vous comprenez, il faut de la discrétion dans mes fonctions. Conduisez-moi. Tout de suite, monsieur. Le temps d'appeler mon domestique. » Il sonna, et en attendant que son domestique vînt, il continua. La figure de monsieur, je ne dois pas le cacher, m'inquiète un peu. Je crois monsieur agité. Il ne faudrait pas de cela. Si monsieur ne devait pas être calme, il vaudrait mieux remettre l'affaire à un autre jour. Adolphe fit un geste d'impatience. Mon Dieu, je sais bien, c'est exaspérant d'attendre, mais l'occasion d'aujourd'hui se représenterait. On a le sentiment de ces choses-là. Ils n'en sont pas à perdre une occasion de se voir, et vendredi serait aussi bon qu'aujourd'hui. D'ici là, monsieur pourrait se calmer. Car si monsieur n'était pas calme, je ne pourrais pas me prêter à ce qu'il désire, rapport à l'honorabilité de la maison et aux susceptibilités du propriétaire. J'aimerais mieux rendre à monsieur ce que j'ai déjà reçu. » Il fit le geste de repousser le billet de 1 000 francs, mais à ce moment, le domestique entrant, il mit ce billet dans sa poche et fit signe à Adolphe de le suivre. On s'engagea dans une allée ombragée que les feuilles mortes commençaient à joncher. « Ce que je recommande à monsieur, » continua le gardien en parlant à voix basse, « c'est de ne pas faire de bruit dans le cabinet où je vais l'introduire. Ce cabinet communique avec l'atelier de monsieur Rolls par une portière en tapisserie. Derrière cette portière, monsieur pourra entendre tout ce qui se dira dans l'atelier, et peut-être même pourra-t-il voir tout ce qui s'y passe. Seulement, c'est à condition de prendre des précautions et de ne pas remuer. Car si monsieur faisait le moindre bruit, les personnes qui sont dans l'atelier s'apercevraient qu'il y a quelqu'un dans le cabinet, et vous comprenez, je ne veux pas de ça. « Il y a longtemps que ces personnes sont arrivées ?» demanda Adolphe d'une voix que l'émotion étranglait. « Le monsieur, je ne sais pas. Il entre par le boulevard. La dame, il y a 1 heure que je l'ai vu passer, sans voile baissée. » Doucement, le gardien ouvrit une petite porte de service et, prenant Adolphe par la main, il le conduisit dans un cabinet, puis, posant un doigt sur ses lèvres et marchant sur la pointe des pieds, il sortit.